reprendre notre voyage. Et retrouver la source de rayonnement de notre être, notre soleil intérieur. Installez-vous confortablement, le dos droit. Les épaules détendues, relâchez les tensions au niveau de votre nuque, et fermez les yeux. Portez votre attention sur votre respiration. Observez-la simplement. Regardez-la. N'essayez pas de modifier le rythme. Votre respiration est douce, profonde. Un sentiment de joie envahit votre poitrine. Le bonheur rayonne en vous. S'envahir par cette sensation. Vous allez maintenant tout doucement porter votre attention au creux de la paume de vos mains. Sont posés sur vos genoux, paume de main tournée vers le ciel. Tournez vers les étoiles. Vous éprouvez peut-être une sensation d'échauffement, une présence. Ce sont les anges qui viennent vous caresser. Laissez-les faire. Vous allez maintenant tout doucement porter votre attention au creux de la plante de vos pieds. Observez-les. Ressentez-les. Vous ressentez la force de notre mère, la Terre, monter jusqu'à vos pieds. Remontez le long de vos jambes jusqu'à la base de votre colonne vertébrale. Vous vous sentez rattaché à la terre et vous êtes heureux. Un bonheur doux et paisible s'installe à l'intérieur de vous. Vos peurs se dissolvent dans cette force et retournent à la terre. Vous allez maintenant tout doucement porter votre attention au niveau de votre front, sur un point légèrement situé en arrière de votre front, au-dessus de la racine du nez, entre les deux yeux. Et là, vous voyez apparaître un point blanc, un blanc lumineux, un blanc lumière. Et ce point alors s'agrandit jusqu'à envahir toute votre vision. Et là-bas, au loin, vous voyez le soleil se lever. Le soleil se lève sur un désert de sable blanc, couleur or. L'orange du soleil levant. Et vous ressentez sa présence et sa chaleur qui pénètre à l'intérieur de vous et vous apporte plénitude. Le soleil continue sa course, il devient plus doré, plus lumière, plus chaud. Et vous vous sentez toujours bien sous cette caresse. Vous envolez à sa rencontre. Vous approchez de plus en plus vous rentrez à l'intérieur de lui. Vous vous sentez bien. La joie envahit votre cœur. C'est comme si vous retourniez à la maison. Et vous pénétrez toujours plus profondément à l'intérieur de ce soleil. Et là-bas, au loin, vous voyez apparaître un point encore plus lumineux. Vous vous dirigez vers lui. Et là, devant vous, s'ouvre une vallée. Vous êtes en haut d'une montagne. La vallée est à vos pieds, verdoyante. Un ruisseau coule au fond. Vous apercevez un village fait de maisons. Une maison de pierre, et vous descendez vers elle. Vous pénétrez dans la maison qui vous plaît le plus, et là, vous voyez une autre lumière, une autre qualité de lumière, une présence. Un grand frère vous accueille et vous souhaite la bienvenue. Mon frère, dit-il, je suis la voix de ton âme. Demande-moi et je te dirai. Une question se forme à l'intérieur de vous. Voyez apparaître la réponse sous forme de symboles, de mots, d'images. Ce sont les réponses de votre âme. Remerciez ce frère aîné et vous ressortez de cette maison. Vous vous envolez et vous retournez dans le soleil. Le bonheur est à l'intérieur de vous. Vous êtes force de rayonnement de votre âme. Et vous retournez vers notre planète. Le cœur en fait. apercevant votre corps et vous retournez vers lui. Il vous semble hospitalier, épanoui. Vous savez que vous pourrez toujours retrouver le chemin de votre âme. Et vous remercier. Vous allez maintenant tout doucement revenir à votre état de conscience ordinaire. Et quand vous le souhaiterez, vous vous étirerez, vous ouvrirez les yeux, vous êtes là, ici et maintenant.